Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, c'est le grand jour, le réveillon, la Saint-Sylvestre, le dernier jour de l'année. Alors, ce numéro de Dr Disco et Mr Funk, c'est un peu spécial. On va vous passer un peu une playlist de tous les tubes funk et disco. Pas tous non plus, mais une bonne partie qui vont bien commencer votre soirée. Alors, le premier groupe mondialement connu. Celui qui ne connaît pas, il habite sur une autre planète. On va partir un petit coup sur Village People. Puis pour tous ceux qui sont en manque d'inspiration, eh ben on va s'engager dans la marine, in the Navy, c'est parti, faites-vous plaisir. We'll be right back. Joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet. Je vous ai gâté, je vous ai donné la version maxi du titre de Village People. Alors, pour la suite, eh ben, notre clo-clo national, vous allez me dire, vous avez déjà eu un Noël, eh ben, tant pis pour vous, vous aurez encore un nouvel an. Et là, c'est une de mes chansons favorites de lui. Bon, soudain, il ne reste qu'une chanson que j'aime bien aussi. Mais celle-là, c'est Magnolia Forever, elle m'évoque plein de souvenirs. Très touchant, alors je la dédicace à tous ceux qui l'aiment. Dites-lui que j'ai peur pour vous. Eh bien, tout ça pour ça. Alors, on va se replonger 40 ans en arrière. Imaginez-vous les réveillons du 31 décembre dans les années 80, début 80, fin années 70. Il n'y avait pas une soirée où le titre suivant ne serait pas diffusé. Je veux dire, bien sûr, ABBA, give me a man after midnight. Pour toutes les femmes célibataires, je vous souhaite d'avoir un homme avant minuit. Allez, bonne dégustation. Bon, c'est la dernière émission de l'année et j'ai aussi un peu envie de me faire plaisir, de vous faire plaisir. Alors on va écouter une chanteuse que j'aime beaucoup dans cette période-là, c'est France Jolie. Bon, si vous ne l'avez pas remarqué, je passe beaucoup de titres d'elle, des inédits aussi. Je vais prendre la meilleure chanson pour moi qui existe, c'est « Come to me ». Alors cette chanson-là, je vous la dédicace à tous. Dr Disco et Mr Funk sur Fadjet. Ne t'inquiète pas, France, ne t'inquiète pas, tu seras en bonne position dans mes émissions l'année prochaine, je peux te l'assurer. Alors, le prochain morceau, un peu dansant pour vous, ça sera The Commodores avec Lady, You Bring Me Up. Cette chanson-là, je vais la dédicacer à qui ? À ma pauvre Céline. On arrive au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter d'être déjà attentif sur la route, de faire très très attention, de passer une bonne soirée, un bon réveillon, pas trop la gueule de bois le lendemain. Je vais vous dire à l'année prochaine. Je vous souhaite plein de bonnes choses sur Fadjet, dans la vie et tout autour de vous, la santé, tout ce qui va bien. Alors je vous dis bye bye.